franceinter.fr. Aujourd'hui, dans l'affaire sensible, retour sur l'une des affaires judiciaires les plus énigmatiques de la fin du XXe siècle, l'affaire Simone Weber, surnommée la diabolique de Nancy. Au cœur des années 80, cette sexagénaire aux allures de petite mamie coquette est accusée d'avoir assassiné et découpé son ex-amant à la tronçonneuse, un certain Bernard Etier. Après 5 longues années d'enquête, diligentées par le juge Gilbert Thill, le procès s'ouvre début 1991. Il n'y a alors ni cadavre, ni preuve formelle, ni aveu, rien que des indices. La diabolique de Nancy, c'est l'histoire d'une femme à la personnalité troublante, en quête d'honorabilité. Roman noir provincial digne de Georges Simenon, l'affaire a pour cadre la Lorraine industrielle du milieu des années 80. Une région qui se paupérise, où il faut parfois bricoler pour s'en sortir. Un univers où l'on s'observe entre voisins et où règne la rumeur et les racontars. Pour revenir sur ce mystère judiciaire, nous recevrons en deuxième partie la journaliste Anne-Sophie Martin, auteure notamment du livre « Crime de femme » et qui a interviewé Simone Weber il y a quelques années. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Héloïse Daviou avec l'appui des documentalistes de Radio France. Attachée de production Caroline Debray, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Nicolas Slimani. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Simone Weber, avez-vous tué votre ancien amant Bernard Etier? Je n'ai pas tué cet homme-là. Et pourquoi? Moi, je suis d'ailleurs toujours persuadée qu'il est vivant. Je suis innocente. Oui. Oui. Pourquoi est-ce que je l'aurais tué? On aimerait presque la croire, Simone Weber, avec sa voix douce et posée, son ton assuré. Ce jour de 2002, dans l'émission « Faites entrer l'accusé » sur France 2, la vieille dame au faux air de Mamie Nova n'en démord pas, elle n'a pas tué Bernard Etier. Elle vient pourtant de passer 14 ans derrière les barreaux de la prison Charles III de Nancy pour le meurtre de son amant et pour faux en écriture. La liberté à peine retrouvée, Simone Weber renoue avec les lumières des plateaux de télé, bien décidée à laver son honneur. Elle entretient ainsi le mystère autour de cette étrange affaire qui démarre un beau jour de juin 1985. Le 22 juin, précisément, à 5h du matin, Bernard Etier termine une nuit de travail comme conducteur d'appareil à l'usine chimique Solvay de Dombasle. Épuisé, il prend le volant de sa voiture pour rentrer dormir dans son pavillon à Maxéville, dans la banlieue de Nancy. C'est là que, depuis son divorce 20 ans plus tôt, il mène une vie de célibataire. À 55 ans, Bernard Etier est plutôt bel homme, avec ses traits fins, ses cheveux grisonnants et son 1m78. Il plaît à la gente féminine et il multiplie les conquêtes. Et lorsqu'il arrive chez lui, il aperçoit une silhouette qu'il connaît bien. C'est Simone Weber, son ancienne compagne, qui fait le pied de grue devant sa porte. Depuis qu'il l'a quittée, quelques mois plus tôt, il se plaint d'être harcelé. Il soupçonne également Simone de le droguer lorsqu'il vient chez elle prendre le café. Ce matin-là, il n'a pas le courage de l'affronter. Alors, il rebrouche chemin en direction de l'appartement d'une vieille amie, Colette. Il dort quelques heures, puis décide de rentrer chez lui. Il est aux alentours de 10h30. Simone Weber est toujours là. Elle veut absolument que Bernard vienne chez elle déboucher son évier. Vers 13h, ses voisins le voient repartir en même temps que Simone Weber au volant de sa voiture personnelle, une Renault 9 bleue. Patricia Etier, la fille de Bernard, est la première à se rendre compte de son absence. Oh, elle n'est pas très proche de lui, mais il y a une tradition à laquelle elle ne déroge jamais, la fête des pères. Le 16 juin, comme tous les ans, elle lui écrit une carte. Mais cette année-là, quelque chose cloche. Bernard ne l'appelle pas pour la remercier. Un mois plus tôt, il a déjà oublié de lui souhaiter son anniversaire. Cela ne lui ressemble pas. Bernard appelle toujours sa fille à ces deux occasions. Alors, Patricia commence à s'inquiéter. Le mercredi 26 juin, n'y tenant plus, elle se rend à Maxéville. Elle frappe à la porte du pavillon de son père. Rien. Elle entre. La maison est déserte, impeccablement rangée. Apparemment, rien ne manque, même pas ses vêtements soigneusement pliés dans son armoire. Patricia poursuit son enquête et va voir les voisins. Non, ils n'ont pas vu son père depuis plusieurs jours. Pire, ils l'ont vu partir avec Simone Weber, son ancienne compagne, qu'il voit souvent traîner dans les parages. Patricia, qui la connaît aussi, se méfie de cette femme comme de la peste. Les jours passent et toujours aucun signe de Bernard. Où a-t-il pu passer là ? Oui, ça devient inquiétant, il lui est forcément arrivé quelque chose. Le samedi suivant, Patricia se présente au commissariat central, boulevard Charles V, à Nancy. La police ne semble pas prendre l'affaire très au sérieux. Patricia Etier le confie au micro de France 3 Lorraine quelques semaines plus tard. Déjà, la police ne m'a pas cru, m'a dit non, c'est une fugue, il a dû partir avec quelqu'un. Combien de temps après la disparition de votre père ? Une semaine, puisqu'on n'avait pas été prévenu par la famille au début, on attendait, croyant qu'il était quand même parti. Donc une semaine à peu près, en l'ayant appris par des voisins, en me présentant chez mon père, on m'a dit, essayez d'appeler votre famille, votre père est parti, ça fait 8 jours, on ne sait pas où il est. Votre père avait des craintes ? Oui, il avait peur déjà, il se méfiait d'elle, elle le relançait sans arrêt. Bon, c'est fini depuis longtemps, elle venait toujours le relancer, elle venait dans le quartier le matin quand elle savait qu'il prenait son poste à 4h chez Solvay. Elle venait aussi bien le soir lui débrancher sa batterie, lui mettre les pleins phares de la voiture parce qu'il laissait toujours ses clés dessus. Et le matin, avant de partir au travail, elle arrivait, elle lui disait « Tu vois, t'as pas de voiture, je peux t'emmener, tu vois, tu peux compter sur moi. » Sans arrêt, elle lui faisait des coups comme ça. Et vous ne croyez pas à la fugue ? Non, pas du tout. Pourquoi ? Parce que bon, je connaissais un petit peu un fixeur, moi je l'ai vu dans des circonstances d'un enterrement, elle me paraissait déjà bizarre, et je suis sûre qu'elle avait dans son regard quelque chose de faux, et c'est pour ça que je suis sûre que c'est elle qui l'a assassinée. Madame Fixard, c'est l'autre nom de Simone Weber, veuve de son second mari Marcel Fixard. Et les fils et sœurs de Bernard Etier en sont persuadés, cette femme a forcément quelque chose à voir avec la disparition de Bernard. Les femmes Etier se lancent donc elles-mêmes dans une enquête. Les sœurs du disparu se présentent à la porte de Simone Weber, au 158 rue de Strasbourg, à Nancy. Elles pensent y trouver Bernard séquestré. Simone les laisse entrer, mais non, rien. De son côté, Patricia, la fille de Bernard, la prend en filature. Pendant plusieurs jours, elle joue au détective, met des lunettes, change de foulard, de coiffure et même de voiture. Mais elle ne découvre rien d'intéressant. La jeune femme décide alors de frapper à la porte d'un grand quotidien régional, l'Est Républicain. Le 7 juillet, un avis de disparition et un appel à témoins paraissent enfin. 2 jours plus tard, l'obstination de Patricia paye. Intriguée par le remue-ménage autour de Bernard Etier, la police se décide à lancer une enquête judiciaire. C'est le juge Gilbert Thill qui est chargé de l'instruction. Acharné et travailleur, à 37 ans, ce magistrat s'est déjà bâti une solide réputation. Très vite, il s'intéresse de près à cette Simone Weber que la famille accuse déjà. Et l'étau se resserre de plus en plus autour d'elle. L'usine Solvay où travaille Bernard Etier vient en effet de recevoir un certificat médical excusant son absence. C'est surprenant, pensent les enquêteurs, surtout que le document a été établi en région parisienne. Il décide donc d'aller voir le médecin et découvre alors qu'il n'a jamais vu Bernard Etier. L'homme qui s'est présenté à la visite médicale en se faisant passer pour lui est en fait le gendre de Simone Weber. Et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Ils vont interroger monsieur et madame Hague, les voisins du dessous de Simone Weber au 158 rue de Strasbourg, à Nancy. Le couple d'octogénaires habite le rez-de-chaussée de l'immeuble. Un brin commère, monsieur et madame aiment bien observer les va-et-vient dans l'immeuble. Le 22 juin, alors qu'ils regardent des chiffres et des lettres à la télé, il voit Simone Weber entrer, accompagnée d'un homme. Le même soir, vers 22h, ils entendent un bruit lourd, oui, comme un corps qui tombe. Puis un bruit de moteur, un peu comme un aspirateur, mais qui ne bouge pas. La nuit suivante, ils affirment avoir vu la dame descendre une quinzaine de sacs poubelles. Troublant. Le juge Thill décide de mettre Simone Weber immédiatement sur écoute. Il espère ainsi récupérer des informations précieuses, en particulier sur la voiture de Bernard Etier. Car le juge en est persuadé, la Renault 9 bleue, seul objet avec une valise, à avoir disparu en même temps que lui, est l'une des clés de l'affaire. Après plusieurs semaines, les enquêteurs sont sur une piste. Oui, car un élément étrange ressort des appels de Simone Weber avec sa sœur Madeleine, installée à Cannes. Les deux femmes échangent des numéros à jouer au loto. Bizarre. Très vite, les policiers comprennent que ce sont en fait des numéros de cabine publique. Et drôle de coïncidence, l'une d'entre elles se trouve en bas de l'immeuble de Madeleine Weber. Ils entendent ensuite les deux sœurs s'inquiéter de la nécessité de trouver, je cite, une nouvelle école pour Bernadette à la rentrée. Mais qui est donc cette Bernadette? Mais oui, voilà, une lumière s'allume pour les enquêteurs. Bernadette, c'est la voiture de Bernard Etier et il s'agit de lui trouver un nouveau garage. Le 10 novembre 1985, la police découvre la Renault 9 bleue de Bernard Etier dans un box canois loué par Madeleine Weber. Simone, qui se trouve alors chez sa sœur à Cannes, est interpellée et inculpée en compagnie de sa sœur, accusée d'avoir fait disparaître les papiers d'identité du disparu. L'affaire Simone Weber est lancée et elle va tenir en haleine la France entière pendant plus de 5 ans. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. C'est l'affaire Etier qui tient une nouvelle fois la une de l'actualité. Les policiers de Nancy, sous la direction du juge d'instruction Gilbert Thiel, semblent décidés à ne négliger aucun détail susceptible de faire la lumière sur la disparition mystérieuse de Bernard Etier. Aujourd'hui, c'était au tour du domicile de Madeleine Weber de faire l'objet dès 8h30 de fouilles très minutieuses. Celles-ci se déroulaient toujours en présence des deux sœurs Weber, du juge Thiel, des inspecteurs de la sûreté urbaine, mais contrairement à hier, les deux avocats de la défense étaient présents sur les lieux. Ah, on a perquisitionné, si vous voulez, une perquisition minutieuse sous la direction du juge, et non seulement sur la direction, mais faite d'ailleurs même effectivement par le juge d'instruction, assisté d'un certain nombre de policiers. Mais en ce qui concerne, à mon avis, l'absence de M. Bernard Etier, il ne me semble pas que, malheureusement, on ait progressé. L'enquête piétine, mais le mythe Simone Weber est en train de naître. Pourquoi cette femme aurait-elle mis autant d'énergie à camoufler la disparition de son amant si elle ne l'a pas tué? L'affaire alimente les pages de faits divers et à travers ses titres, la presse multiplie les surnoms. On la qualifie l'amante religieuse, la bonne dame de Nancy, Tati Daniel ou encore la diabolique de Nancy. Et le grand public découvre, il faut bien le dire avec délectation, un personnage pour le moins déroutant, une femme aux multiples visages. À 55 ans, Simone Weber a des allures de grand-mère propre à être. Un visage rond, encadré de boucles blondes permanentées, maquillage impeccable, chemisier blanc boutonné jusqu'au cou. Cette mère de 5 enfants en a perdu 2 dans des circonstances obscures. A priori, des suicides. Elle est divorcée d'un premier mari volage et veuve de son second, Marcel Fixard. Elle vit entre 3 appartements et maisons à Nancy et Rosier-Rosaline sous 3 noms différents. Et pour faire bouillir la marmite, la mamie bricole. Démarcheuse pour une société d'assurance, représentante en mercerie avant de s'atteler au rafistolage et à la revente de voitures d'occasion. Alors, qui est vraiment Simone Weber? Et surtout, a-t-elle pu commettre l'impensable? D'autant plus qu'un élément alimente tous les fantasmes. Dans la Renault 9 de Bernard Etier, les enquêteurs ont découvert une meuleuse tronçonneuse rouge sans lame. Les expertises révèlent qu'elle a été soigneusement nettoyée et révèlent aussi de la matière humaine difficile à identifier, coincée dans le moteur. Cette meuleuse a été louée par Simone Weber la veille de la disparition de Bernard, le 21 juin, dans une boutique de bricolage, officiellement pour découper un muret du jardin de Rosier-Rosaline. Le vendeur s'en souvient parfaitement, oui. En 20 ans de métier, c'est la première fois qu'une femme lui loue un engin pareil. Mais Simone Weber n'a jamais rendu l'appareil. Elle le déclare perdu le 28 juin et le rembourse en totalité, sans sourciller. Très vite, on fait le lien avec le témoignage de ses voisins, les Hague. Vous vous souvenez, ils ont entendu des bruits de moteur chez Simone Weber la nuit de la disparition de Bernard Etier. Alors, on a vite fait d'imaginer Simone Weber en train de découper son amant en morceaux. Mais pour quel mobile? Les premiers témoignages recueillis par les enquêteurs révèlent une rupture houleuse entre les deux amants. Leur relation avait démarré en 1982. Simone rencontre alors Bernard par hasard, comme souvent dans les rencontres, alors qu'elle cherche à acheter une tondeuse à gazon. Ils se connaissent depuis longtemps, mais se sont perdus de vue. Bernard lui propose alors ses services. Et très vite, une histoire démarre entre eux. Mais plus que lassé par ses crises de jalousie, Bernard quitte Simone au bout de 18 mois. Et elle le prend très mal. D'ailleurs, elle l'appelle sans cesse, s'introduit chez lui, sonne à la porte à toute heure du jour et de la nuit, et exprime son désarroi dans des lettres acerbes lues au cours de son procès. Et félicitations, mon roi, pour ta réussite. Tu as mené ton petit jeu d'amoureux avec beaucoup d'habileté. J'aurais dû comprendre les premiers jours qu'un homme qui est soi-disant tellement pris toutes ses journées ne peut être sérieux. Tu tenais peut-être à t'offrir une femme d'un autre milieu que celle que tu as l'habitude d'avoir. Des cocottes comme une certaine lilloise qui ont des gigolos à chaque carrefour. Rancœur, jalousie et dépit amoureux, tous les ingrédients d'un crime passionnel sont réunis. Mais devant le juge, Simone Weber nie tout. Le magistrat multiplie alors les perquisitions en quête de preuves. Il fait fouiller de fond en comble les deux appartements d'anciens de Simone Weber. Il y découvre des dizaines de tampons de différentes administrations et de médecins ainsi que des ordonnanciers. Le kit du parfait faussaire. Mais toujours pas de quoi faire d'elle une meurtrière. Plus accablant en revanche, les enquêteurs tombent sur deux carabines 22 longs rifles à canon scié avec silencieux dont l'une est bloquée par un étui percuté. Un coup a donc été tiré avec cette arme. Mais il n'y a toujours aucune trace du corps du disparu. C'est alors que le juge Till avance la découverte macabre d'un corps dans le département de la Seine-et-Marne. Mi-septembre 1985, en effet, un pêcheur remonte une valise des eaux de la Marne à Poincy. Lorsqu'il sort l'objet, un filet rosé s'en échappe. Il appelle les gendarmes qui ouvrent la valise et découvrent alors, emballé dans un sac poubelle, un tronc humain en état de décomposition avancée. Ce corps ne correspond à aucune disparition dans la région. Le juge Till se dit que c'est peut-être sa chance. Les policiers reconstituent rapidement le puzzle. Ce tronc retrouvé à Poincy pourrait être celui de Bernard Etier. Oui, la valise ressemble à celle que le disparu a achetée quelque temps avant de s'évaporer dans la nature. Les gendarmes font surtout le rapprochement avec un déplacement mystérieux de Simone Weber. C'était le 1er juillet, le jour où elle a rendu une visite éclair à sa fille cadette, Brigitte, à Épinay-sur-Seine, alors qu'elle ne l'avait pas fait depuis au moins 2 ans. Et Poincy se trouve justement sur la route de Simone Weber à partir de Nancy. Reste à identifier formellement le corps. Nous sommes au milieu des années 80, les analyses ADN en sont à leur balbutiement. Les premiers résultats tombent le 20 janvier 1987. Heaven is, heaven is, heaven is, heaven is, heaven is. Le corps découvert à Poinciers-sur-Marne est l'une des clés de l'affaire Etier et c'est pourquoi le juge-t-il avance avec prudence. Il a communiqué ce matin à la famille de Bernard Etier les conclusions de l'instruction menée à Meaux et jointe officiellement au dossier nancéen depuis le 16 décembre. Des conclusions troublantes. Les experts ont en effet noté des concordances physiologiques entre le tronc humain découvert dans la Marne et les éléments du dossier médical de Bernard Etier. Concordances appuyées par d'autres détails, comme le lieu où a été trouvé ce corps à proximité d'une bretelle de l'autoroute Metz-Paris qu'empruntait Simone Weber pour se rendre chez sa fille, ou encore la valise qui aurait appartenu à Bernard Etier. Élément troublant donc, mais insuffisant pour identifier avec une certitude absolue le tronc de Poincy. Le juge-t-il a ordonné de nouvelles expertises et investigations. Il effectuera cet après-midi une nouvelle perquisition dans la maison de Rosière aux Salines pour tenter d'y éclaircir un détail supplémentaire. Mais dans cette affaire, tous les détails peuvent avoir une importance capitale. Des concordances, certes, mais aucune identification formelle du corps de Bernard Etier. L'enquête s'éternise et la famille du disparu s'impatiente. Pourtant, Gilbert Hill remue ciel et terre pour confondre Simone Weber, mais rien n'y fait, elle ne craque pas. Alors, convaincu de sa culpabilité, le juge fouille sans relâche dans son passé en quête d'armes pour la faire tomber. C'est ainsi qu'il déterre une affaire dans l'affaire. Depuis le début de l'enquête, en effet, Gilbert Hill s'intéresse de près au second mariage de Simone Weber. Le 22 avril 1980, la dame a épousé ce Marcel Fixard, dont nous parlions plus tôt, un militaire veuf et retraité. Ils s'étaient rencontrés 3 ans plus tôt, par petite annonce. À l'époque, Marcel cherchait une dame pour lui tenir compagnie. Oh, il n'avait qu'une exigence, une seule, qu'elle n'ait pas d'enfant. Simone Weber avait répondu à l'annonce sous une identité pour le moins surprenante. Elle se présentait comme divorcée, sans enfant et professeur de philosophie. Ils se fréquentent pendant 3 ans. Mais 22 jours après avoir convolé, Marcel Fixard décède et Simone Weber hérite de tous ses biens. Aux yeux du juge, ce mariage, dont les bans n'ont jamais été publiés, plus que suspect. Surtout que quelques mois avant, Marcel Fixard a déjà vendu sa maison à sa future femme par un acte notarié qui stipule que le paiement aura lieu en privé hors de la vue du notaire. Mais le retraité était-il vraiment au courant de cette vente? Non, découvrent les enquêteurs en interrogeant ses proches. Savait-il alors même qu'il était marié? Non plus. Les enquêteurs mettent au jour l'incroyable stratagème de Simone Weber. La bonne dame a tout simplement embauché des figurants se faisant passer pour Marcel Fixard. Quant au testament qui fait d'elle sa légataire universelle, il s'agit d'un faux, évidemment, et très bien réalisé. Simone Weber n'en finit pas de surprendre par ses multiples talents. Voleuse, menteuse, faussaire, serait-elle aussi empoisonneuse? A-t-elle aidé Marcel Fixard à mourir? Gilbert Hill veut en avoir le cœur net, il ordonne des expertises. Encore raté. Les analyses ne donnent rien. Pourtant, le 2 juin 1987, le juge surprend tout le monde et inculpe Simone Weber pour empoisonnement. Mesdames, messieurs, bonsoir. Décidément, le juge-t-il a le sens du coup de théâtre. Il ordonne hier matin une nouvelle perquisition dans l'affaire Etier à Rosière-aux-Salines. On se dit alors qu'il cherche des nouveaux indices pour le meurtre de Bernard Etier. Et puis voilà qu'il annonce ce soir une nouvelle inculpation à l'encontre de Simone Weber, mais cette fois pour l'assassinat de Marcel Fixard. Surprenante cette inculpation? Pas vraiment. Le nom de Marcel Fixard est très vite apparu après celui de Bernard Etier. Marcel Fixard, un octogénaire décédé le 14 mai 1980, 3 semaines après son pseudo-mariage avec Simone Weber. Pseudo-mariage, car ce n'est pas lui qui assistait à la cérémonie qui s'est déroulée en mairie de Strasbourg. Mais si les expertises pratiquées après l'exhumation du défunt n'ont rien révélé de suspect, aucun produit toxique n'a été trouvé sur le corps, l'information contre X ouverte pour éclaircir les circonstances de sa mort a conduit à l'inculpation pour faux et usage de faux de Simone Weber. Surprenante cette inculpation quand même, car elle intervient après une longue période de sommeil du dossier Fixard. Depuis bientôt un an, le juge Thiel s'est efforcé de retrouver le cadavre de Bernard Etier, et la dernière perquisition menée à Rosière-aux-Salines ne lui a pas permis de découvrir l'élément matériel et probant qui manque à son dossier. Cette nouvelle inculpation permet donc au juge Thiel de maintenir Simone Weber derrière les barreaux. Car depuis presque 2 ans déjà, la bonne dame fait de la préventive à la prison Charles III de Nancy, et ses avocats ne cessent de demander sa libération. Face au manque de preuves, il devenait de plus en plus difficile de la refuser. Le juge-t-il continue donc à étoffer son dossier pendant que la défense de Simone Weber s'organise. En plus d'énoncer un maître Garot et maître Baird, Simone Weber vient de s'adjoindre les services de Jacques Vergès, illustre avocat. Très intéressé par ce qu'il qualifie de drame de province, Vergès estime que le traitement réservé à Simone Weber est injuste. Et il va tenter de faire le spectacle pour plaider la cause de sa cliente. Ainsi, pour prouver que Simone Weber n'a pas pu tronçonner Bernard Rétier sans laisser de traces, il organise le 9 novembre 1987 une reconstitution sur le lieu supposé du crime. Il a prévu de découper dans l'appartement de l'accusé un poulet fraîchement tué et un os à moelle avec une meuleuse tronçonneuse semblable à celle retrouvée dans la Renault 9 de Bernard Rétier. Mais le juge-t-il a pris les devants et a fait poser des scellés sur la porte. Il contrecarre ainsi l'offensive médiatique de la défense. Bref, Vergès rate son coup. Le lendemain, 2 ans jour pour jour après son arrestation, Simone Weber est auditionnée par le juge dans le cadre de sa 6e demande de remise en liberté. À la sortie, elle apparaît un peu pâle, mais toujours très apprêtée, encadrée par des policiers. Les flashs des appareils photos et les micros qui se tendent vers elle ne semblent pas l'impressionner. Oh, bien au contraire, elle paraît presque flattée. Et c'est avec un sourire aux lèvres qu'elle répond pour la première fois aux questions des journalistes. On n'a pas le temps, là. Non, mais vite. Quand je suis retirée, je vous laisse. Vous pensez sortir? Non, aujourd'hui, je ne crois pas, je ne sais pas. Vous en voulez ou juge-t-il? Je ne m'en voulais pas avant, mais après ce qu'il a fait hier, je trouve que c'est une atteinte à la liberté, c'est une atteinte au droit à la vie. Quand on accuse les gens de couper les bras, les jambes, etc., eh bien, il faut au moins le prouver, et il refuse de le prouver, alors c'est un assassinat moral, c'est un bandit. Est-ce que vous pensez que Bernard Rétier se cache quelque part? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas, mais... Moi, je fais comme Saint Thomas, je crois ce que je vois. Je ne l'ai pas vu mort, c'est peut-être pour ça que j'ai pas un chagrin à en écrouler par terre. Voilà, je fais comme Saint Thomas. On vous a appelé la diabolique, ça vous fait quelque chose? Ceux qui m'ont appelé comme ça sont sans doute eux-mêmes des diaboliques. Pour la première fois, Simone Weber peut se défendre publiquement. En revanche, sa demande de remise en liberté est refusée, tout comme les 15 suivantes. Elle reste donc en prison jusqu'au procès. Entre-temps, les avocats défilent. En tout, ils sont 25 à travailler sur ce dossier. Et même le célèbre Jacques Vergès ne résiste pas aux humeurs de Simone. Il s'exclame un jour « Simone Weber !» Ah, la justice veut qu'elle ait les couilles de Landru et les ovaires de Marie Bénard. Mal lui en prend, choqué par tant de vulgarité, Simone le congédie sur le champ. Le 9 juin 1990, après 5 ans d'enquête, Gilbertil clôt enfin l'instruction. À la maison d'arrêt de Nancy, Simone Weber reçoit son ordonnance de renvoi en cour d'assises pour l'assassinat de Bernard Rétier et l'empoisonnement de Marcel Fixard. En tout, 10 de chefs d'inculpation sont retenus contre elle pour faux en écriture ou encore vol et recel. La cour d'assises de Nancy devra donc juger un crime sans cadavre, avec des expertises peu probante, voire contradictoire, et une meurtrière présumée qui clame son innocence. La bonne dame prépare elle-même son procès depuis sa cellule où elle se fait livrer les 18 000 pages de son dossier par camion. Elle relit chaque document, chaque témoignage, chaque expertise. Bon, après tout, elle n'a pas grand-chose d'autre à faire. Jour après jour, la diabolique se prépare ainsi à entrer en scène. Sonnent les 3 coups, le procès peut commencer. Je dis, elle est coupable, hein, mais c'est une femme qui a du cran, qui a un culot monstre. Ah oui, hein, oui. Elle a c'est un culot monstre. elle proteste surtout, c'est ceux qui l'accusent, qui s'étaient confié le coup. Elle est blanche comme eux. Ah oui, oui. Hein, c'est ça? C'est ça, mettons, je trouve. Et vous, pourquoi vous vouliez la voir de plus près, alors? Pour la voir. Parce que je ne l'ai jamais vue. Oui. Pour voir son doux regard. Voilà. Ça aurait été moi, il y a longtemps que je l'aurais coupé la tête, j'aurais pas attendu qu'elle me la coupe. Vous croyez qu'il en a peur? Tout le monde en a peur d'ailleurs. Oh, pas du tout, hein, pas du tout. Moi j'aurais tombé sur une greluche comme ça, il y a longtemps que c'est elle qui aurait retrouvé son tronc dans l'eau, c'est pas moi. Attention, je les assassinais pendant qu'ils dormaient. Au Au micro de la reporter de l'émission Là-bas, si j'y suis, les curieux venus assister au procès de la diabolique de Nancy s'épanchent. Beaucoup de femmes de son âge, des petites mamies qui s'identifient et quelques hommes aussi, tous les jours. Ils sont des centaines à braver le froid dès 7h du matin, dans l'espoir de pouvoir décrocher une place dans la salle d'audience pour suivre ce procès comme ils suivent leur feuilleton télé. Le 17 janvier 1991 s'ouvre à la cour d'assises de Nancy le procès-spectacle de Simone Weber. Aucun doute, c'est bien elle qui a décroché le premier rôle. Dès le premier jour, elle crée l'événement. Elle récuse elle-même les jurés, refusant notamment toutes les femmes de son âge. De mémoire de magistrat, on n'avait pas vu ça depuis le procès de Pierre Laval. Le comportement de Simone Weber déroute. De la laque sur ses cheveux permanentés, du vernis transparent aux ongles et de la poudre de riz au visage, elle cultive soigneusement son image de mamie confiture. Mais d'un autre côté, elle se dresse dans son box, éclate de rire, démonte un à un les 126 témoins qui défilent à la barre, tire ses avocats par leur col dès qu'elle a quelque chose à leur dire et exécute du regard quiconque ose la regarder en face. Clou du spectacle, la meuleuse tronçonneuse rouge qui marque tous les esprits. Une journée complète lui est consacrée, pendant laquelle cette ultime pièce à conviction est manipulée au milieu du tribunal. Après 6 semaines d'audience, l'avocat général Philippe Kerr requiert la perpétuité. Le 28 février 1991, les jurés prennent place dans la salle de délibération. Ils y restent enfermés pendant 11 heures. À 23 heures, le verdict tombe. Le verdict maintenant dans le procès de Simone Weber, incident au moment où le jury revenait dans la cour d'assises après un très très long délibéré. Nous allons rejoindre en direct à Nancy José Gonzalez qui a donc suivi pour nous tout ce procès de Simone Weber, un procès particulièrement long. José, on a maintenant le verdict. Et oui, absolument Marc, le verdict est tombé il y a seulement quelques minutes. La cour d'assises de Meurthe-et-Moselle a condamné Simone Weber à 20 ans de réclusion criminelle. Les circonstances atténuantes ont été retenues, de même qu'on a pas retenu l'accusation d'assassinat, mais de meurtre. Alors évidemment, on est très en deçà de ce qui avait été requis par l'avocat général qui, rappelons-le, demandait la perpétuité avec une peine de sûreté de 18 ans. Eh bien, vous l'avez dit, c'est vrai, Simone Weber n'a pas été présente pour écouter son verdict. Elle a été victime de 3 malaises dans la journée. Un expert est venu. Sa conclusion, Simone Weber est actuellement malade du cœur. Simone Weber, victime d'un malaise, apprend donc le verdict dans sa chambre d'hôpital. Pas vraiment accablée par sa peine, elle demande à l'huissier du tribunal comment a réagi la foule. Puis elle lui propose un bonbon, qu'il refuse, bien évidemment. On ne sait jamais. En 1999, après 14 ans de prison, la bonne dame de Nancy sort et se réfugie chez sa sœur Madeleine à Cannes, dans le sud de la France. Aujourd'hui âgée de 86 ans, elle vit dans la région et crie toujours à l'erreur judiciaire. Alors, coupable ou innocente? Difficile de répondre, vous l'aurez compris. Simone Weber emportera probablement tous ses secrets dans la tombe. Quelquefois je sens les mystères de toutes les choses que je comprends mal. Comme si j'étais toute seule sur terre à rechercher un idéal. Quand l'amour le plus fou de la terre se débat dans une odeur de fin, je dis que c'est ça la vraie misère. Je dis que le temps est assassin et je veux plus rien. Je veux plus rien. Plus d'amour, même rebelle. Je veux plus d'amour, même si j'étais celle qui regardait tendre et cruelle, faner des amoureux quand j'étais belle. Je veux plus d'amour, monsieur. J'ai brûlé mes maîtres et amoureuses. J'ai peur de l'être pour avoir vu sombre et cruel. Colère que l'on encaisse et que l'on subit. Je dis que la l'amour, c'est comme l'enfer. Je dis que sa force est dans sa vie. Et j'aurais beau tout faire et refaire, je serais seule sans lendemain. Pour moi, c'est ça la vraie misère. Je dis que le temps est assassin. Et je veux plus rien. Je veux plus rien du tout. Plus d'amour, même fidèle. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Simone Weber, notre invitée, Anne-Sophie Martin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste spécialisée dans les faits divers. Vous avez beaucoup travaillé pour la télé, mais vous avez, enfin, mais, et vous avez, l'un n'empêche pas l'autre, écrit plusieurs ouvrages, dont Crimes de femmes, 25 histoires vraies, avec Brigitte Vidal-Durand. Vous avez surtout suivi le procès de Simone Weber, et vous êtes l'une des premières journalistes à l'avoir interviewée après sa sortie de prison, pour le Vrai Papier Journal en 2001. Alors, racontez nous cette rencontre, quel était votre sentiment? On l'a dit fascinante. Est-ce que c'était ce que vous avez reçu? L'avez-vous trouvé fascinante? Alors en fait, moi, la rencontre, c'était mon premier procès, l'affaire Weber, donc j'avais été très impressionnée. Comme baptême de l'air, c'est pas mal. Hein. Voilà, jeune journaliste, je me disais, mais quel est ce personnage? Elle était infiniment mystérieuse à la fin. On ne comprenait pas pourquoi cette petite dame toute chic, toute coquette, toute simple, normale, avait pu se muer en un personnage exceptionnel, un grand personnage de théâtre redoutable qui avait mis à peu près tout le monde en échec, en tout cas la police et la justice. Et du coup, je savais qu'elle était détenue, je savais qu'elle était remise en liberté et j'ai commencé à faire un petit peu ce qu'elle avait fait à d'autres, c'est-à-dire je l'ai harcelée pour parvenir à la rencontrer et elle finit par me donner rendez-vous. Elle était très agacée à chaque fois que je l'avais au téléphone, mais elle finit par de guerre lasse à me donner rendez-vous donc à Cannes, mais elle ne veut pas que ce soit chez elle parce que son dossier encombre ses médicaments, elle est toujours un peu malade, etc. Donc on se retrouve devant un hôtel et j'arrive. Ça fait donc 10 ans que le procès a eu lieu. C'était tout début 2001 et j'arrive. Elle est là devant cet hôtel. Elle m'attend et même tenue, petit chemisier blanc fermé jusqu'au col, petit gilet blanc, l'œil dardant alentour pour voir qui pouvait la surveiller ou se présenter. Je me présente, on entre, on s'installe, je lui dis je vais enregistrer parce qu'on va passer longtemps ensemble. Et elle sort de son sac un enregistreur pour me contre-enregistrer. Et ça commence comme ça. Alors évidemment, moi j'étais un peu désappointée, mais finalement on a pu, pendant 3 jours, parler énormément et ça a été pour moi une rencontre complètement exceptionnelle. Si elle est redoutable, c'est précisément parce qu'elle ne redoute rien. Elle a eu le même comportement avec la justice, avec ses avocats, avec vous. C'est une personnalité complexe, c'est le moins qu'on puisse dire. Peut-être que l'une des clés pour la comprendre, et pour comme on comprend tout être humain, c'est d'aller se balader dans les allées de son passé. Quelle vie a-t-elle eue? Quel malheur a-t-elle dû affronter? Alors, si vous voulez, c'est le premier malheur, c'est qu'en fait, ses parents sont des gens mal marié, son père est assez volage, et donc il va laisser sa famille et la mère est malade et du coup les enfants Weber se retrouvent séparés, chacun hébergé par une partie de la famille, et Simone et Madeleine, c'est le début de ce binôme, en fait sont hébergés dans une seule, toutes les deux, alors qu'il y a 5 enfants, chez des parents. Et c'est vrai que Simone va très vite tomber malade à l'adolescence, elle fait des pleurésies, hein, à répétition. La famille d'ailleurs s'exilera à Modane, alors qu'elle est originaire de la région de Toul, pour soigner cette cette enfant malade. Donc elle est très handicapée quelque part hein, par cette maladie qui lui fait arrêter ses études. Elle n'aura que le certificat d'études, puis après faire de la couture, mais reprise de la pleurésie, elle stoppe ses études de couture et elle va enchaîner tous les petits boulots dont vous parliez tout à l'heure, n'ayant jamais une vie très stable. En même temps curieuse et en même temps pleine d'initiatives. On trouve là la femme déterminée qu'on retrouvera après. Mmh. Et puis si vous voulez, il y a des drames terribles, c'est qu'elle a des enfants avec un mari qui lui aussi est assez volage. Hein, donc en fait, elle le met à la porte un beau jour et elle se retrouve à élever 5 enfants seule, elle a 25 ans. Et donc c'est une vie compliquée. Ouais. C'est une vie de femme courageuse au départ en fait. Hein. Elle porte des valises quoi. C'est ça. Lourde. C'est ça. C'est assez lourd, mais elle ne se plaint pas. Et ouais. Elle, d'ailleurs, elle n'a jamais voulu, lors de son procès, que l'on tienne compte de cette vie qui était la vie d'une une vie pénible au fond, une vie pénible avec des douleurs, des malheurs, puisque il y a 2 de ses enfants qui vont décéder prématurément, et notamment sa fille Catherine qui est l'aînée, qui un jour est mal au collège et qui va mourir à l'infirmerie dans la journée même. Et Simone va se battre pendant des années pour essayer de découvrir ce qui s'est passé et ne le saura jamais. Mais elle va, si vous voulez, développer une stratégie incroyable pour essayer de savoir. Elle n'est pas tout à fait seule non plus. Elle a sa sœur, Madeleine. Là, il y a un rapport qui me paraît, moi, assez fusionnel. C'est important, cette relation-là, jusque dans le crime. J'allais dire le crime supposé. Non, puisque la justice a tranché et l'a déclaré coupable. Hein, donc, on peut le dire aussi comme ça. Donc, jusque dans le drame, elle est là, Madeleine, toujours. Alors, bon, comme je vous le disais, Madeleine est là, très proche dès l'enfance. Et c'est vrai qu'elles vont se suivre tout au long de leur vie et s'aider. Hein. C'est vraiment, je crois, le pilier de sa vie, le pilier affectif. Mais Madeleine suit Simone. Madeleine est dans l'ombre de Simone. C'est Simone qui décide, c'est Simone qui est dans la lumière. Et Madeleine, derrière, est toujours là pour l'accompagner. Elle sera d'ailleurs renvoyée pour complicité dans l'affaire de Bernard Etier. Hein. Et elle tombe sur un juge qui est le juge Gilberti, l'un des magistrats les plus connus en France. Caractère fort, pugnace. Là, sur ce dossier-là, comment il aborde finalement le juge ? On a l'impression qu'il la considère comme coupable d'emblée. Bon, il faut bien sûr enquêter et prouver ça. Un juge professionnel avec des principes, donc c'est bon. Mais on a l'impression qu'il la sent coupable dès le début. Non. Il la sent coupable et au fil du temps, si vous voulez, comme il n'arrivera pas à la coincer, entre guillemets, ça va devenir un couple improbable. Mais d'une certaine façon, il y a quelque chose qui les lie dans cette histoire qu'il n'arrive pas à démêler ou il n'arrive pas à la faire avouer. Et quelque part, elle admire l'acharnement, elle admire le courage de ce magistrat qui cherche et qui remue ciel et terre et qui fait vider un canal et qui fait des expertises dans tous les sens pour essayer de trouver la vérité. Donc elle a de l'estime, elle l'appelle mon poussin, elle a même de l'affection par moment, elle l'appelle mon poussin. Et puis quand il fait quelque chose de désagréable, elle l'appelle Touvier. Donc il y a quelque chose. Et lui, on sent chez Gilberti une certaine admiration. Oui, très bien, je vous arrête, pas très beau de dire ça, mais je vous coupe. Une certaine admiration, eh bien on va l'écouter. On va écouter ce que le juge Gilberti pensait de cette justiciable pas comme les autres. Il a témoigné lors d'un entretien sur notre antenne France Inter avec Philippe Collin, c'était en 2010, dans l'émission Les Persifleurs du Mal. Je pense qu'elle devait, quelque part, un peu me craindre dans le sens où elle sait très bien quelle peut être l'influence sur la conduite d'une information judiciaire du juge qui en a la charge. Elle s'est bien rendue compte aussi lorsqu'elle a simulé quelques malaises que je faisais venir un médecin légiste qui l'examinait, qui disait qu'elle était en parfaite santé et après je la renvoyais immédiatement en prison en disant je veux pas tirer sur la corde mais vous n'allez pas jouer cette comédie-là. Et puis je pense qu'elle avait une sorte d'affection, je n'en dirai pas plus pour moi, mais enfin en tout cas moi c'était l'instruction judiciaire, rien que l'instruction judiciaire. Ben voilà, ça corrobore ce que vous dites. Il se voit 75 fois. Il accepte même de l'accompagner au cimetière. Alors on les voit bras dessous, sur la tombe de ses enfants. C'est étonnant. On a envie de les appeler les inséparables, vous voulez dire, au cours de ces 5 ans d'instruction. Ouais. Alors c'est pour l'amadouer quand même. Oui, alors je crois qu'il a tout joué en fait. Je crois qu'il a vraiment tout essayé, Gilbert Hill. Et donc c'est vrai que quand elle parle de ses enfants, il est un peu ému, je crois aussi lui, parce qu'il se rend compte que cette femme femme a eu une vie avec beaucoup de souffrance et de douleur et que ça, c'est pas simulé. Même si elle ne veut pas s'en servir pour avoir des circonstances atténuantes, puisqu'elle se dit innocente. Donc un jour, effectivement, il accepte de l'accompagner au cimetière sur la tombe de ses enfants et il espère pouvoir obtenir une confidence, évidemment, en vain. Chou blanc, il arrive au procès sans aveu. Hein. Comment se déroule ce procès ? Alors, on l'a dit dans le récit, enfin, personnellement, j'y étais pas, vous y étiez. Oui. Voilà, donc votre témoignage est fort. Alors, ce qui était vraiment fascinant, c'est la foule. La foule, quand on arrivait place Stanislas à Nancy, aux abords de la cour d'appel, il y avait des files d'attente, on se serait cru en URSS de l'époque. Et tous ces gens, en fait, étaient désireux de découvrir justement cet accusé qui apparaissait comme une femme normale, une Maminova, et qui, tout d'un coup, avait donné l'impression de mener l'affaire, de diriger son procès, de présider. Au bout de quelques jours, les journalistes l'appellent Momon, quand même. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de capital sympathie à l'intérieur, alors qu'à l'extérieur, il y avait plutôt, votre élément sonore le rappelait tout à l'heure, une espèce de haine incroyable de l'opinion publique de Nancy à l'encontre de cette femme qui finalement donnait une image catastrophique de cette ville, hein, une criminelle exceptionnelle, etc. Donc comme on avait critiqué Marie Bénard, on critiquait Simone Weber de cette célébrité un peu noire. Alors, dites-moi, son procès s'ouvre le 17 janvier 91. Dites-moi, c'est le premier jour de la guerre Golf. Oui. Alors, ça n'a rien à voir, évidemment, mais si, peut-être, ça a à voir en termes d'espace médiatique. Alors, la guerre du Golf, elle prend tout l'espace, là, pour le coup. Oui, mais alors, je vais vous dire quelque chose. Dans mon souvenir de journaliste, il y a deux actualités dans toute cette période, dans toutes ces semaines de début d'année. C'est la guerre du Golf. Et le procès Weber. Et le procès Weber s'ouvre le premier jour de la guerre du Golfe et il se ferme le dernier jour de la guerre du Golfe. À tel point que Simone, à la fin, dit « Écoutez, c'est tellement pas grand-chose mon affaire à côté de ce que nos petits gars vivent là-bas. » Et elle se remet encore une fois le public de son côté, enfin le public de la cour d'assises, qui est complètement étonné de cette espèce de crise de modestie chez cet accusé qui, par ailleurs, menait les débats. Et alors pourquoi elle mène les débats ? Parce qu'elle n'a pas confiance en la qualité de tous ces acteurs qui font un tribunal ? Ou alors elle n'a pas conscience du fait qu'on est dans une démocratie, en état de droit, et que c'est absolument pas à l'accusé de mener les débats ? Mais Simone Weber, c'est un combat judiciaire qu'elle mène. Et toutes les années d'instruction, elle a gagné son combat, puisqu'il n'y a pas de preuve qu'elle soit coupable. Donc finalement, au procès, elle ne cède... Si vous voulez, le terrain à personne. Elle tape d'un coup de dossier là sur la tête d'un de ses avocats pour lui dire que c'est elle qui prend la parole. Elle contre-interroge chaque témoin. Elle dénonce les ragots de tous ses voisins qui ont vu des choses mais qui sont assez imprécis et qui sont surtout mauvaise langue. Elle distribue les bons points, les mauvais points. Le président Paco lui fait un peu figure d'arbitre quand il le peut. Mais c'est vrai que elle mène les débats parce que c'est son combat et c'est sa vie qui se joue là. Bien sûr. Alors, la journée consacrée à la tronçonneuse, qui est évidemment l'aspect le plus curieux, le plus voyeur aussi de cette affaire-là. On y passe une journée, mais qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se passe ? Si vous voulez, en fait, c'est quand même l'arme du crime. Donc, si vous voulez, dans une affaire criminelle, c'est assez important de pouvoir déterminer avec quoi on a tué. Et c'est vrai que cette meuleuse, alors si Simone Weber a commis une erreur, c'est bien de laisser cette meuleuse dans le coffre de la voiture retrouvée à Cannes et qu'elle appelait Bernadette dans ses échanges téléphoniques. C'est avec un truc d'amateur, ça. Bon, quasiment. C'est un peu un truc d'amateur. Sauf que cette meuleuse, on n'a jamais pu établir formellement que c'était l'arme du crime. On la retrouve, on l'expertise. Il y a un vague bout de peau, une croûte, je crois, de peau qui est retrouvée près du carter. Sauf que quand on se sert de ce genre d'instrument, souvent on se fait des petites blessures. À qui appartient cette petite croûte ? En fait, à n'importe qui. Pas du tout à Bernard Etier. La justice ne peut pas l'établir. Donc finalement, ça reste l'objet qu'a pu servir à, mais dont on n'arrive pas à prouver qu'il a été effectivement l'arme du crime. C'est pourquoi, en fait, la cour d'assises veut absolument écouter tous les experts. On se sert déjà des traces ADN, enfin c'est balbutiant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on pourrait très bien dire, cet échantillon humain il appartient à Bernard Etty ou à quelqu'un d'autre. Oui. On pourrait le dire aujourd'hui. Oui, on pourrait le dire aujourd'hui. De même que le tronc de Poincy, le fameux tronc de cette affaire dont elle a dit ce n'est pas Bernard, comment le savait-elle, on ne sait pas, mais en tout cas elle l'a affirmé. Effectivement, elle disait, ce tronc, il a 40 ans, il a été opéré de l'appendicite, il était mort 15 jours avant qu'on le retrouve en septembre, or Bernard disparaît en juin. Elle démontrait l'impossibilité que ce tronc de Poincy soit Bernard Etty, si vous voulez. Alors, les expertises, du coup, s'en ressortaient à chaque fois en lambeaux. Mmh. Et c'est ça qui était... c'était comme si elle avait eu, si vous voulez, une prescience de la dialectique dans tous ces combats, dans tous ces temps forts du procès. Est-ce qu'on a fait des parallèles avec Marie Bénard? Alors, on en a fait, mais c'était dû à l'autre affaire, comme vous disiez, l'affaire dans l'affaire, c'est-à-dire l'affaire Fixard. Oui. Alors, c'était l'arsenic chez Marie Bénard. Là, c'était la digitaline chez Simone Weber. Et les deux ont la même qualité, entre guillemets, c'est que ça disparaît au bout d'un moment dans le corps. Mmh. Donc on a pensé qu'on a voulu faire d'elle une empoisonneuse. Mais c'était un peu le travers de cette instruction menée par le juge-til. C'est que, finalement, ça a été victime de certaines inflations. Alors, elle était faussaire, on lui reprochait d'avoir volé des tampons. Elle avait fait de fausses ordonnances, donc on lui reprochait tous les médicaments qu'elle avait. On lui reprochait beaucoup de choses. Mais sur l'essentiel, on n'avait pas de preuves. Qu'ont dit les experts? On sait à quel point ça peut être important, les experts, dans un procès, surtout quand l'accusé a ce profil-là, c'est complexe. Alors, c'est même pour les experts, ce dossier a in fine été un échec, hein, parce que la science n'était pas assez avancée, comme vous le disiez, sur l'ADN, essentiellement. Mais au total, il y a eu plusieurs collèges, il y a eu des contre-expertises, il y a eu des contre-expertises de contre-expertises, il y a eu, si vous voulez, on a cherché à tout prix à faire parler le poison, la digitaline, à faire parler le tronc de Poincy, à faire parler la meuleuse, et tout ça n'a pas pu aboutir de façon ferme, probante, comme on dit. Donc ça n'a pas réussi. Justement, alors, elle est condamnée, mais sans preuve. Ce qui nous interpelle toujours, hein, forcément. On va écouter François Foucard. Vous savez, François Foucard, c'était le chroniqueur judiciaire de France Inter. Il avait suivi l'affaire à Je l'époque. Je l'ai connu. Voilà. Et il donne son sentiment au lendemain du verdict. Écoutez. Au fond de moi-même, je demeure persuadé. C'est un mot lourd, hein. Persuadé qu'elle est coupable et qu'elle a bien tué Bernard Etty. Alors, comment? On imagine mal une femme de 60 ans qui, pardonnez-moi d'entrer dans ces détails, mais qui, une nuit d'été, manie dans un appartement une tronçonneuse pour découper son amant en morceaux. Ça nous amène tout de suite à cette autre question. Était-elle seule? Moi, je ne crois pas. Tout le monde pense que, à côté de Simone, il y a eu un complice, il y a eu quelqu'un. Il est probable que Simone n'a pas pu... Vous voyez, je dis Simone comme ça, familièrement, parce qu'on finit par être... je dirais pas amis, mais enfin, on se regardait dans les yeux, comme ça. Bon, mais c'est vraiment... je crois que si elle l'a... Elle l'a tué, c'est entendu, puisqu'elle a été condamnée pour ça. Est-ce qu'elle l'a tué avec la tronçonneuse aussi? Moi, je le crois, mais je dis qu'elle n'était pas toute seule. Est-ce que vous partagez l'avis de votre confrère? Eh bien, non. Moi, je n'ai aucune certitude sur la culpabilité de Simone Weber et je note souvent dans les histoires complexes, comme ça, au niveau de la réalisation du crime, qu'on dit, et s'il y avait un témoin, ça le rendrait possible. Non, nous sommes que journalistes, on peut avoir une conviction, une intime conviction, mais de toute façon, on ne nous la demande pas parce que c'est pas nous qui jugeons. Oui. Ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que Simone Weber, il y a un doute. Bien sûr. Il y a un doute, puisqu'il n'y a pas de preuve. Donc, normalement, en France... Et pas de cadavre identifié non plus. Pas de cadavre identifié. Normalement, le doute bénéficie à l'accusé. Ah oui. On s'attendait éventuellement à un acquittement. Et cette femme, elle est condamnée sur cette personnalité exceptionnelle et très mystérieuse, plus que sur les preuves qu'on a rapportées contre elle. Et donc, c'était ça le problème du verdict dans cette affaire. On a connu un autre exemple emblématique de personnes condamnées sur l'intime conviction, c'était Omar Haddad, souvenez-vous. Oui, tout à fait. Voilà. Et de même que la meuleuse, dans le procès Haddad, où j'étais aussi, on avait mis les portes où Madame Marshall avait écrit Omar m'a tué sous le nez des jurés, afin de bien leur faire comprendre que l'affaire était terrible et sanglante. Une dernière question, Anne-Sophie Martin. On a beaucoup parlé du regard de Simone Weber, de ses yeux. Vous les avez vus, vous avez été confrontée à son regard. Était-il si perçant et puissant que cela? Terrible. C'est-à-dire? Terrible parce que elle a de gros yeux très très clairs et très lumineux. comme des yeux éclairés d'une façon, on pourrait dire presque satanique. Il y avait quelque chose de très impressionnant, intimidant dans ce regard, qui était aussi un regard peu amène, un regard qui vous jugeait, un regard qui vous jaugeait, qui vous dardait. Donc c'est quelqu'un de compliqué, mais c'était son regard. Est-ce qu'on pouvait aussi lui reprocher son regard? Non, il y avait rien de cela dans ma question. Non, mais on se sentait pas très à l'aise dans le regard de cette femme, voilà. Bien, merci infiniment Anne-Sophie Martin. Merci, au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Simone Weber, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous parlerons de Marcel Dassault, Dassault Système ou Système Dassault.